Le seul problème quand on couche avec quelqu'un d'aussi tordu que soi-même, c'est qu'on couche avec quelqu'un d'aussi tordu que soi-même. Eh oui. J'embrasse pas. Pas de cul.